puissante. Yeah. Hermano à la prod. Yeah. Je peux pas me taire, quoi qu'il arrive. Je répare ma rime comme une bactérie. Là j'écris, je suis plus bactère. Que je fasse des hits, non, que je brasse des pifetons. C'est pas la zik qui remplit le coq ni mon frigidaire. Je m'isole, même si je connais pas le solfège. Sous la pluie j'ai la mélodie comme Ben Soleil. L'état nous voit comme de la viande avariée. La tête sur les épaules, même le pôle emploi m'a radié. La nuit porte conseil mais je trouve jamais le sommeil. La vie est courte, la conclusion étant le début du sommaire. C'est pas vos petites oreilles qui vont me ramener de l'oseille. Les leçons de vie t'écoutent, en plus je peux pas faire l'école buissonnière. J'avoue, ça forge, mais crois-moi qu'il y en a pas 3 ou 4. Tout ça me pousse à bout, chaque réveil c'est dur. Je me lève sans raison, je confonds le soleil et la lune. Toute l'année moi je vis hors saison. Ma croix, leurs abus, leurs croix, gamin j'oublie. Mais ma bulle éclate toujours avec 3 cafés, ah oui. Je m'enfonce des clous dans le poumon, ça va avec. J'ai jamais vu le mot arrête dans le mot cigarette, bête. J'oublie toujours mes objectifs, puis sincèrement je les kiffe. Mais je peux pas compter sur l'effectif qui m'entoure. Et moi non plus d'ailleurs, ça me rend fou. Ma santé j'en ai fait le tour, forcément j'ai des envies d'ailleurs. Mais j'ai les pieds cloués, l'impression que j'ai posé l'ancre. Est-ce une vie rapide ou une mort lente? Je sais pas, la corde, je suis au bord de la mettre. Je régresse, j'ai l'impression que la dépression me blesse. Mes faiblesses et mes songes, j'ai honte de mes promesses. Merde, j'avais promis à ma mère de la mettre au bord de la mer. C'est mal parti, pessimiste est mon humeur. Tant que le malheur insiste et que son odeur pollue l'air. Bienvenue ici, tu peux tout perdre en moins d'une heure. L'illicite incite le diable, en est devenu populaire. Sous amnésia, amnésique et sous de la soule. Prenez tout ce qu'il y a, rien à foutre tant qu'il y a la familia. Et ces moments où les sourires s'esquissent, mais si le chat noir est là, mes rats et mes souris s'esquivent. On va mourir, c'est triste, un jour mes forces et le destin. C'est comme vouloir apprendre à lire un sourd dyslexique. À l'intérieur je me sens rouillé, comme ton véhicule. Je consomme du carburant mais sans bouger. Je me plains, mais au fond je manque de quoi rien. Je suis dans un trou que j'ai creusé par mes propres moyens. Haï, trahi, je vois cri comme un parisien. Je suis comme ce haïtien que le monde entier oublie. Leur mépris maigrit, le juge te rend martyr. Pendant qu'il glaçonne un cocktail sous le soleil de Tahiti. J'ai du mal à m'imaginer vieux, je deviens fatal, ça me rend malade. Les images de ma life me rendent nerveux. Douleur interminable, j'ai peur de moi. Je crois que je vais en finir là avant que ça termine mal. Une routine épuisante, les médisants te portent l'œil. En disant que ça remplit pas leur portefeuille. Y'a la mort, la peur, celle de porter le deuil. À ma portée, rien de séduisant, j'apporte l'épreuve. Les médisants te portent l'œil. En disant que ça remplit pas leur portefeuille. Y'a la mort, la peur, celle de porter le deuil. À ma portée, rien de séduisant, j'apporte l'épreuve. Les médisants te portent l'œil. En disant que ça remplit pas leur portefeuille. Y'a la mort, la peur, celle de porter le deuil. À ma portée, rien de séduisant, j'apporte l'épreuve.